Donc c'était À l'envers, à l'endroit, Noir Désir sur leur dernier album. Vous écoutez toujours Radio Libertaire, Bulle de Rêve. On parle du DMA, Diplôme des Métiers d'Art, section Cinéma d'Animation, et plus particulièrement celui de Roubaix, avec Théo, qui est sponsorisé par Doliprane aujourd'hui, donc qui est malade, Théo, et Marine, qui vont nous expliquer un petit peu. Alors là, on va passer... Ah, j'ai oublié de demander, il y a des droits d'admission ? Il y a de l'argent à payer pour rentrer au DMA ? Non, c'est gratuit. Pas à Roubaix. C'est public, c'est bien. Pas à Roubaix, des autres, oui ? Certains, oui. Ah là là, c'est bien à Roubaix. Forcément. Donc, c'est quoi l'apprentissage exactement ? On va commencer avec la première année, on fera la deuxième année après. Qu'est-ce qu'on apprend ? Jean-Pierre nous en a parlé un petit peu, mais c'est bien d'avoir le côté élève après le côté professeur. Qu'est-ce qu'on apprend dans la première année, Théo ? Bah, pour vous dire ce que j'ai ressenti finalement dans ces premières, ces premiers mois. Pour moi, ce que j'ai ressenti, c'était plutôt une approche générale, donc commencer par plutôt expérimenter, on va dire. Comme je disais tout à l'heure, bah, pour appréhender, voir ce qu'on aimerait faire ou ce qu'on préfère dans le DMA, bah, là finalement, on commence par des exercices plutôt libres finalement, où on a toute latitude pour aller dans des directions et expérimenter par nous-mêmes au-delà d'une technique qui serait très rigoureuse donc on commence pas par des bases très précises, mais ça permet ensuite, justement, quand des intervenants professionnels arrivent, de préciser les choses vu qu'on aura déjà cherché par nous-mêmes un peu plus dans ces thèmes-là. Il y a quand même des cours obligatoires, par exemple il y a du dessin nu, purement dessin, vous avez des exercices d'anime. Là, Gilles nous en parlait un petit peu, il y a des choses plus assez précises quand même. Oui, les sujets sont toujours précis. Par contre, la manière dont les développe sont relativement libres, et tous les cours a priori sont obligatoires. Et donc on va pouvoir... A priori, non, c'est une exception qui n'est pas tout à fait... qui est finalement où tout le monde va à tous les cours. Il n'y a pas de... C'est dur d'enchaîner. Vas-y. Ça. Et donc, donc c'était par rapport à ça, il y a quand même des cours, donc... Des cours de dessin, on a une série d'ateliers. Ouais. Déjà une série d'ateliers fabrication, donc... des ateliers qui vont être plus sur l'animation, des ateliers plus sur l'infographie, 2D, 3D, pas encore Flash, mais on va avoir une introduction plus tard. Et autrement, on a des cours plus généraux, donc totalement généraux sur le français, sur l'anglais et les sciences. Mais ces cours-là, les professeurs vont les orienter de façon, de façon à ce que ça touche à l'animation, les thèmes abordés, on puisse les tourner vers l'animation dans des exposés, dans des devoirs, et on a aussi, également donc, des cours plus de dessin, d'expression plastique, des cours d'expression plastique, tous regroupés dans une journée. Et c'est tout ? Et c'est tout, et non, et également des cours de cinématographie. Ah, quand même ! Qui vont permettre... il est devant son prof de cinématographie, il allait oublier le cours, quand même. Pas fini. Ma phrase. D'accord, donc. Ce n'était pas un piège, ne t'inquiète pas. Et dans les cours de cinématographie, c'est pour aborder plus la réalisation et puis surtout trouver des références et voir ce qui nous plaît de faire dans l'animation et dans le cinéma en général. Il y a un contrôle non continu sur certains, des jurys aussi qui arrivent en fin de première année. Peut-être que Marine pourrait nous en parler un petit peu plus au niveau de la première année quand même, puisqu'elle a fini, elle, sa première année, puisqu'elle est en deuxième année. C'est important, les jurys, en fin de première année ? En fin de première année, on a un seul jury, en fait. C'est pour présenter, finalement, tout ce qu'on a fait au niveau de l'animation, donc infographie 2D, 3D, et travail sur le montage et son. Donc, c'est un jury composé de profs, et on va montrer, finalement, l'évolution qu'on a eue dans l'année, montrer les différents exercices, et finalement, montrer comment on a évolué. Donc, non, c'est pas non plus excessivement C'est un jury qui, normalement, si on a pas trop mal bossé, on va dire, se passe pas trop difficilement, quoi. Bah, de toute façon, on a des rendus assez réguliers, donc on sait quand on a... foiré ou non un exercice. L'idée n'est pas de piéger les élèves pendant première année pour les empêcher de passer en deuxième. On est au contraire l'idée de qu'ils s'améliorent pour justement pouvoir passer, c'est ça. Et toi, tu te rappelles de la fin de ta première année ? C'était bien ? Oui, ça s'est bien passé, tu es passé en deuxième année. Donc qu'est-ce qu'on apprend en deuxième année ? Qu'est-ce qu'on apprend en deuxième année ? Là, on a vu, première année, c'est plutôt... des bases, Jean-Pierre le disait, on est plutôt sur, alors je me rappelle jamais de son le terme qu'il employait, qu'un socle, je sais plus comment, c'est un truc de l'éducation nationale qu'il faut savoir, c'est un socle de base, enfin base, connaissance, juste voilà, je sais plus comment ça se dit exactement. Et qu'est-ce qu'on apprend en deuxième donc? En deuxième année, on a vraiment deux aspects différents. On va aller plus loin dans l'apprentissage, par exemple du montage et son, apprendre à servir de nouveaux logiciels et aller plus loin dans les compétences qu'on peut avoir sur différents logiciels et sur différents médiums. Et on a surtout le développement vraiment d'un aspect beaucoup plus personnel quelque part, puisqu'on va on va développer son projet professionnel qui va être un projet qui va nous suivre toute l'année et qui va être finalement à la base de notre oral de fin d'année, de deuxième année, devant un jury composé d'enseignants et de professionnels. Donc là, on a vraiment on aborde vraiment un projet tout neuf, c'est nos idées, c'est nos envies, nos pattes graphiques. Vous présentez qu'un seul projet ou il y a plusieurs projets ? On présente deux projets en fait. Au tout début, on a vraiment deux idées. Il faut une création totalement libre, entre guillemets, et une adaptation. Donc on peut vraiment choisir ce qu'on veut au niveau de l'adaptation. Ça peut être de la BD, du livre... ou par rapport à de la musique, faire un clip ou autre chose. Et finalement, on va mettre en avant l'idée qu'on a le plus envie de développer et avec les professeurs, on va s'orienter vers une voie plus spécifique. Qui choisit entre les deux projets ? C'est les profs ou l'élève ? Non, c'est quand même l'élève. C'est quand même l'élève parce qu'on va mettre en avant plus de recherche et beaucoup plus de motivation dans un des deux projets généralement. Mais on peut être totalement indécis et pas savoir finalement ce qui nous plaît le plus, auquel cas il y a un dialogue qui s'instaure, mais c'est quand même l'élève à la base qui choisit le projet. Il est comment le dialogue? Il est, ça dépend, il peut être difficile ou non, ça dépend comment on le ressent, mais généralement si on a une idée très précise et qu'on s'y tient... et que c'est pas trop subversif, entre guillemets. C'est vrai, faut pas que ça soit subversif. Non, pas subversif, c'est pas ça. Mais il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait et être précis dans nos idées pour pouvoir faire passer et convaincre finalement, puisque c'est ça tout l'intérêt de la chose. C'est finalement convaincre du projet qu'on va. Mais donc ça veut dire que si on a quelque chose de purement expérimental ou quelque chose de purement narratif, on peut y arriver? Est-ce que toi tu sais s'il y a des choses sans que ça soit compliqué à dire, bien évidemment l'idée n'est pas de piéger, mais est-ce qu'on a la possibilité finalement de faire entre guillemets un peu tout ce qu'on veut, du moment comme tu le dis qu'on est qu'on est ferme et qu'on sait ce qu'on veut, tout en étant évidemment raisonnable et réaliste par rapport à ça. Je rappelle juste qu'en fait, vous avez juste 1 minute 30 à peine à faire en anime, des fois même un peu moins qui sont tolérés. Jean-Pierre disait 1 minute 30, mais donc moins qu'une minute 30. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir, par contre, d'être suffisamment ferme, encore une fois, comme tu disais, par rapport à son projet. Il faut savoir être conciliant, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des manières de prendre des chemins et de parler avec les personnes concernées pour arriver finalement au bout de ses idées. C'est vrai que c'est difficile dans certains projets. On va avoir tellement d'avis extérieurs, de gens qui ne vont pas du tout penser forcément les mêmes choses du projet, de l'intérêt qu'ils pourraient avoir même, parce qu'on n'arrive peut-être pas à faire passer nos idées ou à montrer vraiment ce qu'on veut faire. Mais moi j'ai pas eu ce problème là, on s'est tenu à un projet et on n'a pas de bâton dans les roues ce niveau là. C'est quoi ton projet? On a rapidement, sans rentrer dans le détail du projet, un même projet de mini-série. On travaille à deux et on développe un concept de mini-série avec des épisodes de 30 secondes, 1 minute. Voilà. Toi, t'as déjà une idée ou t'es en première année Théo, mais t'as déjà une idée de ce que t'aimerais faire qui peut changer, hein, mais... Non, pas du tout. Aucune idée du tout. Vraiment aucune idée. Rien. Non, non. D'accord. Non, c'est des choses... en terminale, en mise à niveau, pour se motiver à travailler sur l'animation ou sur le dessin en général, on se donne des challenges. J'ai eu des idées de courts-métrages d'histoires à raconter, mais finalement à chaque fois c'est des choses qui s'avèrent pas réalisables, donc j'attends encore d'avoir vraiment une vision plus claire. C'est une bonne étape, on va dire. Est-ce que Marine, quand on entend que quelqu'un comme Thomas Platt, qui était un étudiant deuxième année dernière, finalement fait son film chez Trintrin, est-ce que ça donne envie ou non? On se dit c'est une exception, il est bien tombé, et vous faites votre projet juste pour avoir. bon, ce qui est normal, puisque c'est la base de la chose, avoir le DMA, ou quand même on se dit, ah, on ne sait jamais. Bah, ça dépend vraiment des personnalités, parce que ça dépend finalement ce qu'on veut faire après. Y a des gens qui vont développer leur projet et qui vont s'enlacer, par exemple, ou pas avoir cette envie finalement de finir et tout. Mais c'est vrai que c'est tellement l'idée de finir vraiment son film et de marquer finalement son histoire dans une plus grande histoire. Oui. C'est beau. c'est quand même quelque chose qui est très attirant. Et ça intéresse quand même un certain nombre de personnes de pouvoir se dire que finalement, il n'y a pas une finalité dans ce projet qui est juste la fin du DMA et avoir ce diplôme, mais qu'il y a aussi un après et qu'on peut faire vivre aussi notre film dans d'autres structures. Ça, c'est très intéressant. Et en deuxième année, il y a d'autres choses ? Ah, ils vont tous oublier, c'est incroyable. Après Théo Koubli, c'est pas possible, ça. Donc en deuxième année, il y a aussi un projet cinématographique. C'est incroyable, hein, faut je répète bien. On a aussi des notes d'éco-gestion. Enfin, bon, bref. Il y a aussi, c'est juste pour préciser, parce que évidemment, si on nous écoute pour savoir, il y a en effet un projet qui est un peu plus lourd, qui est d'une vingtaine de pages en cinématographie sur un sujet. Bon, Marie n'aura zéro. Donc, 18h25, le temps passe et on va se faire un plaisir. On va écouter un peu de musique. Allez, on va écouter un peu de musique, ça va nous faire du bien. On va écouter un peu de rap au temps où le rap était pas encore vendu et ne parlait pas uniquement de grosses voitures, de femmes et d'argent. Et avec sûrement l'un des groupes les plus intéressants qui arrivait au tout début du rap, enfin au tout début du rap à un moment donné, qui est Public Enemy. On va écouter un morceau qui s'appelle Power Sax. On va entendre en fait un morceau qui s'appelle Power to the People, mais vous allez entendre du sax de derrière, qui est Branford Marsalis, et c'est un mélange entre donc le rap de base de Public Enemy et le sax de Branford Marsalis, un beau mélange qu'on écoute donc Public Enemy. Branford Marsalis nous donner son énergie, encore un peu plus d'énergie à cette nouvelle version, enfin cette version de Power to People, pas nouvelle parce qu'elle date d'il y a maintenant, oh je sais plus, ça me vieillirait donc on ne parlera pas de ça, mais de Public Enemy, sûrement l'un des meilleurs groupes de rap et l'un des groupes de rap les plus intéressants. Chuck D continue à travailler toujours aussi bien au niveau de musique, musicalement que politiquement, hein, un groupe vraiment à toujours écouter aujourd'hui. Power to the People, une belle... belle profession de foi. On parle donc à Bulle de Rêve du DMA spécial cinéma d'animation, et on va passer maintenant, on va écouter un ancien aussi élève qui s'appelle Gabriel Jacquel et qui lui aussi va nous parler un petit peu de son parcours à l'intérieur du DMA. On écoute. Donc on a entendu tout à l'heure Gilles. Toi t'es arrivé comment au DMA? En fait, moi, j'ai fait les CAP avant le DMA. J'ai fait mes études de type bac, on va dire, à l'ESAT. D'accord. J'ai fait mon lycée à l'ESAT, voilà. Et donc, toi, t'es arrivé donc directement après le bac? Juste après mon BT, ouais. C'est un brevet de technicien. En fait, à l'époque, il y avait un brevet de technicien avec deux options possibles, soit art graphique, tout ce qui est un peu lié à la mise en page, on va dire, ouais. Et ou soit dessin animé. Donc en fait, moi j'avais choisi dessin animé parce qu'à l'époque j'avais envie de faire de la BD. Donc avant le DMA. Ça c'est ouais, avant le DMA. DMA. C'est-à-dire que juste après mon collège, j'ai vu qu'il y avait ça comme école. C'est-à-dire qu'au collège, j'ai ma prof d'art appliqué, c'est d'art plastique, pardon. Ouais. Qui m'avait dit tiens, il y a les SAT, ça devrait t'intéresser, tout ça. Et puis j'étais aux portes ouvertes, et là j'ai vu qu'il y avait une option dessin animé, et à partir de là j'ai dit bah, c'est ce que j'ai envie de faire, quoi. Alors qu'on me disait de faire plus le bac, parce qu'il y a un bac aussi à l'ESAT, mais j'avais vraiment envie d'être directement dans le dessin animé, en fait, enfin dans le dessin appliqué à l'animation ou à la bande dessinée, quoi. Tu te rappelles de... Lui, Gilles, on ne se souvient pas du tout, tu te rappelles de ce qu'il fallait à l'époque pour rentrer dans le DMA? En gros, non, bon, c'était un oral lié à un dossier graphique. Il n'y avait pas tant de projets personnels type film ou autre chose comme ça, quoi. Et je pense que c'est toujours un peu ça. C'est juste que ce qu'ils demandent, c'est une certaine compétence en dessin. Ouais. Pas du tout en animation, parce que l'idée, c'est justement d'apprendre l'animation sur place et d'avoir un peu, avoir une certaine culture peut-être de l'animation. Et alors, je pense que même la culture de l'animation, on l'apprend aussi un peu, enfin... Je pense qu'on le voit un peu sur place aussi, en découvrant le festival d'Annecy, par exemple. Justement, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, le DMA? Est-ce que c'était plus un niveau technique, ou est-ce que c'était plus un niveau l'histoire de l'animation et finalement découvrir un peu les richesses de cet art? Moi, je pense que c'est plus cette... Enfin, j'ai appris surtout en technique, mais principalement dans les domaines liés à l'infographie. Ouais. J'ai beaucoup appris sur Photoshop, After Effects, enfin, en tout cas, vraiment, ça m'a donné envie d'aller plus loin dans des logiciels vraiment assez complexes comme After Effects, par exemple. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est surtout en régulièrement à Annecy, et en fait, depuis, j'y vais tous les ans. Donc, mais c'est vraiment ça, c'est cette découverte du monde de l'animation, cette découverte de la diversité qu'il peut y avoir dans l'animation. Ça, j'ai découvert avec le DMA. Tu te rappelles de ton stage? Ce que tu avais fait comme stage en fin de première année? Ouais. J'étais à Paris, j'étais sur la production Belphégor, la série. D'accord. Aux armateurs. Qu'est-ce que ça t'avait apporté? Ou au contraire, Gilles nous disait que lui avait été sur une marsupilami et il s'était rendu compte qu'il ne voulait évidemment... Enfin, il ne voulait surtout pas faire ça. Toi, c'est la même chose ou... Il y a un peu de ça. Enfin, moi, c'était une bonne ambiance quand même. Gilles, c'était pas une super ambiance. Moi, j'avais vraiment une équipe assez jeune... avec moi, ouais. Des personnes vraiment qui m'ont accueilli directement, alors que j'avais vraiment pas le niveau, en fait, pour cette série. C'était vraiment un niveau de dessin qui était assez élevé, en fait, pour cette série. D'accord. Les décors étaient d'après photo, etc. C'était Bézian qui faisait le style graphique, donc c'est assez particulier. Moi, je suis peut-être moins type réaliste, on va dire, dans mon dessin. Ouais. Et donc, du coup, en première année de DMA, j'avais beaucoup de lacunes pour... prétendre à travailler directement avec eux sur des stories ou des trucs comme ça, et pourtant ils m'ont quand même fait travailler sur pas mal de choses. Donc c'était agréable. Donc même si c'était pas forcément ce que tu voulais faire, il y avait quand même eu pas mal un vrai apprentissage, quoi. Ouais, parce que j'ai fait un peu de props et tout, du layout, et de la retouche de storyboard, j'ai vu un peu comment ça fonctionnait. Bon, après, moi aussi, ça m'a pas donné particulièrement envie de travailler sur une prod type série, enfin, comme celle-là, quoi, même s'il y avait vraiment une chouette ambiance. Mais par contre, c'était assez limité au niveau du temps, quoi. Ils devaient faire ça très vite, donc... Et ton projet ? Ton projet, c'était déjà Recto Verso, c'est ça ? Ouais. De fin d'année, c'est le premier projet qui t'est venu, ou il y a eu beaucoup de réflexions ? Non, j'avais un autre projet, en fait, qui était plus type rotoscopie, en fait. Moi, je voulais faire de la rotoscopie au début. J'avais une idée d'une... Enfin, c'est assez classique, quoi, un personnage un peu schizophrène, où t'as une sorte d'ombre qui sort de lui, et j'avais envie de faire de la rotoscopie là-dessus. D'accord, et pourquoi ? Le retour de la mort, etc. Et en fait, les professeurs m'ont arrêté tout de suite en disant « Mais il faut que tu fasses de l'anime. » Bon, là, j'étais vachement déçu, parce que j'avais bossé tout un été dessus, etc., parce que j'avais déjà pas mal fait dessus. Et du coup, le premier exercice de Bernard Gabillon, c'était un exercice sur la famille. Créer une famille, ouais. L'origine de cette famille et tout. Et puis moi, j'ai commencé à faire un petit dragon avec un petit lapin qui se reproduisait. Ça créait quelque chose, et au bout du compte, ça arrivait vers... une espèce de lutin qui allait avec une chèvre, et ça faisait un diable, et le même lutin avec un mouton, et ça faisait Dieu. C'est de là qu'est venu les personnages du Dieu et du diable. D'accord. Juste, c'est bizarre cette idée, parce que la rotoscopie bien utilisée, c'est aussi un peu d'anime. Bah oui. C'est même complètement de l'anime. Oui. C'est bizarre cette... Je sais pas, écoute... C'est assez bizarre, les profs ils m'ont tout de suite arrêté en disant non, que c'était pas qu'il fallait que j'ai de l'apprentissage technique de l'anime, et ils considéraient peut-être pas ça comme étant de l'anime. Peut-être que maintenant ça changerait, quoi. Mais je sais que ouais, voilà, moi j'ai été vraiment stoppé là-dessus. Donc tu as ton projet quand même, donc tu t'en viens à voir le projet Recto Verso qui va se faire après. Tu savais ce que tu allais tenter ou pas après ? C'est-à-dire, une fois que tu arrives à, je sais pas, un an et demi du DMA, c'est en deux ans, tu savais ce que tu voulais faire ? Tenter des écoles, rentrer dans la vie professionnelle de suite, ouais. Parce que je sais que tu tentes les gobelins. T'avais tenté que les gobelins ? Oui. C'était un peu ça ou rien, quoi, en gros ? Non, je sais plus si. Je crois que la poudrière, en fait, je l'ai pas tenté. Parce que je me suis dit que j'étais trop jeune, un truc comme ça. D'accord. Et en fait, après, j'ai su que, en fait, c'était pas forcément... L'âge ne compte pas. Si, c'était important, mais c'était surtout voir si la personne était assez mature pour faire l'école de la poudrière, ou avait un projet, surtout, ou avait des envies graphiques, etc. Mais donc, je l'ai pas tenté pour ça, et en fait, j'ai tenté aussi... j'avais tenté Erasmus au cas où, quoi, en fait. Ouais. Et j'étais pris en Erasmus à Gand. D'accord. En casque. Et donc moi je me disais, je pensais aller au Gobelin, faire une formation comme ça, et puis peut-être faire... je savais même pas forcément ça. Si, en voyant les courts-métrages à Annecy, j'avais envie d'en faire. Mais pour moi, c'était une fin en soi, c'était pas tout de suite. Je pensais pas pouvoir faire du court-métrage tout de suite. Je pensais que j'étais obligé de faire un peu de série en étant... ou travailler sur des props de série pendant un certain temps pour ensuite me permettre de faire un film. Et en fait, c'est tout l'inverse, quoi. Et finalement, comment ça s'est passé alors, après le truc, tu vas au casque ou pas finalement ? J'ai été au casque pendant 6 mois, ouais. Même moins, je crois, 4 mois. En fait, en Erasmus, on peut gérer son temps comme on veut, c'est-à-dire que je pouvais faire 12 mois quasiment dans l'école. C'est une école qui est en plusieurs années, hein. Donc ils m'avaient mis directement dans la deuxième année, et ils étaient pas encore en train, ils faisaient encore des exercices, mais pas vraiment leur court-métrage. Et on devait chercher un stage aussi. Et finalement, j'ai trouvé un stage qui me permettait de vraiment d'appréhender l'animation directement. Donc je me suis dit, autant mettre en avant plus mon stage que la formation au casque, Enfin, c'était vraiment bien le casque pour pas mal de cours, où c'était un peu moins, scolaire peut-être. Mais finalement, donc tu restes dans le stage, là. Le stage était avec Arnaud, en fait, Arnaud Demac, avec les films du Nord. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu me voir en voulant produire mon film. D'accord. Je l'avais recroisé aux Imagiciens, et il avait retenu mon film, Et il me disait, oui, bah voilà, j'aimerais bien produire ton film. Et à ce moment-là, moi, je lui ai dit, bah écoute, moi, non, je veux bien plus tard, mais pas maintenant, parce que j'ai pris une place en Erasmus. Ça se peut qu'il y ait quelqu'un. Il n'y avait qu'une seule place. Donc ça se peut qu'il y avait quelqu'un qui avait tenté à côté de moi et j'avais pas envie de prendre la place et me casser comme ça. Donc du coup, je lui ai dit, ben voilà, moi j'ai un stage à faire, ça peut être une bonne occasion de nous connaître et puis on verra si on travaillera ensemble. Et finalement, donc, t'as continué ça s'est assez bien passé. Ça s'est pas très bien passé sur La Femme Papillon. Ouais. mais après, j'ai travaillé sur Square Queen pendant plus de 6 mois. Et là, ça s'est très bien passé. Et donc, ça t'a paru une évidence finalement de rester dans le domaine, enfin de franchir le pas et d'aller dans le domaine professionnel plutôt que de continuer une école? Bah oui, parce que tout de suite, il m'avait proposé de faire mon film, donc il m'était dit que c'était bon, il m'avait dit qu'il était en train de monter un studio qu'il allait mettre en place à Moucron, donc vraiment à la frontière belge, et il m'avait dit dès que le projet était mis en place qu'il m'appellerait. Est-ce que d'avoir beaucoup de boîtes comme ça qui s'installent à côté de Roubaix notamment et Lille, c'est important pour le DMA par rapport au DMA ou non? Je pense que c'est bien parce que le fait qu'il y ait d'autres prods dans la région, ça fait dire aussi que dans la région c'est possible de faire des choses, quoi. Et le fait qu'il y ait même des productions, enfin la production de Wakfu, la série qui se fasse à côté maintenant, qu'il y ait plusieurs studios qui se mettent en place, qu'il y ait les films du Nord qui ont fait un sacré pas en avant au niveau du court-métrage, et nous maintenant qui formons notre collectif d'artistes, là, le studio Train Train, etc. Enfin, tout ça, ça fait qu'il y a pas mal de choses dans la région. Et du coup, je pense qu'il y a plein de gens qui sont attirés par ça, quoi. C'est vrai qu'on a des gens qui viennent de Toulouse, j'adore maintenant. Enfin, c'est assez drôle, quoi. Est-ce que par rapport justement au studio Train Train, est-ce que tu peux nous parler un petit peu? Il y a une relation quand même, évidemment, par rapport à l'ancienne école. On va parler après du fait que tu sois prof, mais déjà par rapport au studio, Gilles nous disait, donc vous prenez quasiment pour l'instant un stagiaire tous les ans. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus, parce que je sais que c'était un de tes projets coup de cœur du projet de Thomas. Gilles nous en a parlé un petit peu, mais qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, on voit dans un projet en formation quelque chose qu'on se dit, bah tiens, ça j'ai envie d'aller avec? Ouais, c'est vrai que depuis qu'on, même à l'époque où on était en DMA, à la deuxième année, il y a pas mal de, on était pas mal à vouloir terminer notre film, et à chaque fois on se dit ça, quoi. Et je pense que tous les ans à la fin de DMA, il y en a plein qui disent, oui, j'ai terminé mon film, j'ai envie de faire mon film et tout. Et du coup, on avait vraiment envie de, enfin, c'est venu comme ça naturellement, quand on s'est dit, bah tiens, si un jour on peut aider quelqu'un à faire son film, bah tant mieux, quoi. Et là, c'est tombé sur Thomas Platt, qui a fait, c'est vrai, un stage en plus chez nous. Donc, déjà, le fait qu'il ait fait un stage chez nous, ça nous a permis de le connaître, de voir que c'était quelqu'un de sérieux, etc. Et en plus, quand on a été au jury de fin d'année de DMA, quand on a découvert son film, on s'est dit, tiens, c'est un film qui est assez court, je sais pas, moins de 3 minutes, on va dire, ouais, qui nécessite pas un énorme budget. Et comme avec le petit film, le court-métrage Train Train qu'on vient de produire aussi, on a réussi à avoir nos premières subventions tout seul, en fait. Ouais. C'est des subventions associatives, donc c'est rien du tout. Enfin, je sais pas, c'est même pas un dixième de ce que pourrait réellement coûter un court-métrage, mais c'est des petites aides comme ça qui nous ont dit, voilà, lui, on peut l'aider juste en l'aidant à faire à terminer son dossier et son storyboard. Et puis après, permet d'avoir un peu d'argent pour faire son film, pour vraiment qu'il y ait des personnes qui aillent jusqu'au bout, quoi. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que vous aimeriez continuer, on va dire, avec des coups de cœur sur, pas toutes les années forcément, mais vous allez être un peu plus à l'écoute, on va dire, peut-être à ce niveau-là? Parce que vu que là, en plus, on a eu encore le soutien du CRAF par rapport à ça et tout, donc c'est le soutien déjà financier, mais aussi le soutien quand on leur a présenté le projet et ce qu'on avait envie de faire, ils étaient vraiment intéressés par ça, quoi. Donc ça va, tout nous pousse à continuer de faire ça, en tout cas. T'es prof depuis combien de temps maintenant à... Je sais plus. À l'ESAT. Je sais plus, 4 ans peut-être. Et le fait de passer par déjà cette par l'ESAT et par ce DMA, tu penses que ça aide dans ton approche pédagogique de la chose ou pas du tout? Si Supinfocom, c'est assez particulier. Supinfocom, je vois pas les cours de la même façon, de toute façon. Ouais. Parce que à partir du Supinfocom, les personnes qui sont sélectionnées sont pas forcément des bons dessinateurs. Donc à partir de là, le cours, il est pas du tout identique. Enfin, je suis obligé de le moduler d'une autre façon. En plus, c'est des classes de 24, alors que LSAT, c'est des classes de 14. Enfin, c'est quasiment la moitié. Mais par contre, c'est une journée entière. Enfin, je les vois pas du tout de la même façon. Mais par contre, au niveau de l'ESAT, c'est vrai que je savais ce qui manquait. Enfin, avec Gilles, on savait ce qui manquait au cours. Ouais. Et c'est plus des exercices pratiques qui manquaient, en fait. Des petits exercices d'animation, des petites choses comme ça. Et après, je pense que Gilles, c'est un peu pareil. C'est que nous, on les fait un peu en fonction de comment on travaille aussi. Peut-être que... Enfin, après, moi, j'ai pas assisté au cours des Gobelins et je me souviens plus exactement... Enfin, j'en ai pas réellement parlé avec Gilles. Mais je sais que quand je fais un cours de model sheet, je fais un cours de model sheet comme moi, je fais un model sheet. D'accord, ouais. Je suis pas forcément très... C'est peut-être pas la même formation, parce que j'ai remplacé une personne qui faisait des model sheets, qui était vraiment une professionnelle des model sheets, qui fait que ça, quoi, par exemple. Et qui était super stricte, en fait, par rapport à ça, du coup. Qui travaillait sur du model sheet de série française, etc. Ouais. Et du coup, les étudiants, s'ils faisaient un trait pas bon, ça allait pas du tout. Alors que, enfin, moi, j'ai pas du tout cette vision-là non plus de l'apprentissage, si tu veux. Ouais. C'est-à-dire que vous amenez quand même, bon, tous les deux notamment, vous amenez quand même aussi une expertise différente, oui, de personnes qui ont fait du cours, de... Ben voilà. C'est-à-dire que même quand je leur fais un cours sur le model sheet, je leur dis que dans certains films, il n'y a pas besoin de model sheet, quoi. Parce que le model sheet, ça touche plus à un travail d'équipe type série qu'à un travail de court-métrage. Ben, ça dépend après des courts-métrages, mais du coup, c'est toujours un peu délicat des fois de parler de ça à n'importe quelle formation, que ce, oui, soit Supinfocom ou à l'ESAT. Des fois, c'est assez scolaire. Et nous, on leur dit, ben non, qu'il faut un peu faire... qu'il faut voir en fonction du côté pratique de la chose, quoi. Dernière question qui n'a absolument rien à voir avec un coup de cœur en long-métrage ou en court-métrage pour l'année 2017. Je peux dire un long et un court. Bien sûr. Bah, le long métrage, moi, je suis peut-être obligé de citer les Simpsons, parce que moi je suis tellement fan des Simpsons que j'attendais cette... Enfin, en même temps, je redoutais ça et finalement je l'ai vu et je suis content. Ouais, je comprends. Donc ça, c'est pour le long métrage. On parle toujours d'animation, hein. On reste en animation. Ouais, on reste en animation. Ouais, tout à fait. Et le court métrage, bah, ça doit être le même que le tien d'Annecy, c'était The Rent. Voilà. Celui qui m'a le plus bouleversé à Annecy. The Rent, ok. Cette année, quoi. Puis c'est un réalisateur que j'avais retenu forcément, parce que je l'avais découvert aussi à Annecy, et c'était ma deuxième année de DMA, je crois, en plus. Donc j'étais en train de travailler sur Recto Verso, je faisais un truc super graphique au Titex, et il faisait un film aussi graphique que ça, quoi. Et donc forcément, je l'attendais, ce réalisateur. Bon, et alors, la suite de Recto Verso, c'est pour quand? Enfin, je suis en train d'écrire la suite avec Gilles. Et pour prétendre à l'aide au développement au CNC, il y a deux commissions, il y a celle de janvier et celle du mois de novembre. D'accord. Et comme le dossier est en train de se finir, et que avec Arnaud, il aimerait bien un peu démarcher les chaînes télé pour voir un peu si j'ai un rendez-vous, enfin pour voir un peu un retour des chaînes, et si comme ça s'il y a une chaîne d'intéressée, on pourra avoir plus facilement l'aide au développement. Et puis moi, je dois aussi avoir un rendez-vous avec Alice Delalande, qui est la responsable, en fait. D'accord. CNC de ça. Donc j'aimerais bien avoir rendez-vous avec elle avant de déposer mon dossier. Donc ce qui fait que c'est pas avant le mois de novembre, et pas avant le mois de novembre pour l'aide au développement, hein. C'est même pas l'aide à la production, c'est pas pour tout de suite. Mais c'est toujours, c'est super long, en fait. Hein. C'est long, hein, de produire encore de l'animation, c'est quand même compliqué, hein, toujours. C'est super long. Même si ça marche de mieux en mieux, ça reste long. Puis ben, j'espère qu'on t'aura bientôt en studio direct, avec, ouais, pour parler de Monsieur Coq. Ben oui. Notamment. Mmh. Et ben merci beaucoup. Ben merci à toi. Donc c'était Gabriel Jacquel dans Bulle de Rêve pour nous parler de son beau parcours d'animation, plein de choses à noter, l'idée de se dire que ouais, on peut, entre Gilles et Gabriel, parce qu'on parlait un petit peu avant de projet, et de se dire qu'en effet, quand on a vraiment un projet en tête, et c'est bien de l'avoir largement à l'avance, ou en tout cas de l'avoir un peu à l'avance, de le tenir et de le garder. Et c'est vrai que même si des fois on est toujours, que ça soit, soyons clairs, hein, quand je dis qu'on par rapport aux professeurs, j'en suis un aussi, donc que ce soit par rapport à tous et moi en premier, c'est toujours bien aussi de les surprendre et des fois d'aller un petit peu des fois contre l'avis des professeurs. Là je me fais engueuler par mes autres collègues, mais c'est pas grave, même contre moi c'est bien des fois d'aller un petit peu pour peut-être aller les surprendre et aller au-delà de ce qu'on attend des fois des gens. Qu'est-ce que et puis Annecy aussi très important bien évidemment, on a le temps presse un petit peu. Ton stage Marine rapidement, c'était comment toi? Moi ça s'est plutôt bien passé, je suis allée trop dans la voie dans laquelle on m'attendait. J'ai fait un stage dans une entreprise de jeux vidéo en fait à Angoulême, chez Pulse Anime Interactive, et donc j'ai bossé sur le développement de plusieurs jeux en tant que character designer et animatrice. Voilà. Toi, t'en as tiré pas mal de choses intéressantes. Oui, bah on voit ce qu'on veut faire ou non. Vraiment deux expériences très différentes pendant le stage. Et la deuxième a notamment été très instructive puisqu'on m'a vraiment fait confiance et j'ai pu vraiment exploiter ma patte graphique personnelle et la développer sur tout un jeu. Donc plutôt bien. Théo, toi, t'as déjà une idée? T'as déjà ton stage ou pas encore? C'est quand qu'il faut le... Bah, dès maintenant, finalement, en fait. C'est quelque chose qu'on doit, à partir de février, normalement, on doit avoir envoyé tous les courriers aux boîtes qui nous intéressent. Non, moi, en fait, moi, j'ai plein d'idées différentes, mais j'attends de boucler un projet que j'ai en cours pour envoyer éventuellement avec un premier courrier. C'est-à-dire que t'aimerais cibler sur une boîte qui peut servir après ou au contraire tu veux juste... Oui, pas forcément qui pourrait me servir après, mais qui pourrait m'apporter ponctuellement dans le domaine... Enfin, moi, j'aimerais beaucoup pouvoir travailler dans l'animation avec des professionnels, et puis dans le cadre de contraintes de production et pour découvrir des choses différentes par rapport aux exercices qu'on fait en cours. D'accord. Ouais. Et l'avenir ? On va parler, à 5 minutes de la fin, il faut quand même se mettre à parler de l'avenir. Toi Marine, tu as déjà une idée de ce que tu as envie de faire? On est quoi? On est en janvier quasiment, à 6 mois de la fin du DMA. Un peu, bah, plusieurs idées forcément, plusieurs routes différentes. C'est vrai que ça m'intéresserait d'aller dans un pays étranger, de faire un an d'Erasmus dans le cinéma d'animation pour avoir un peu une vision différente finalement de... des manières d'aborder l'animation, ou sinon peut-être plus des écoles de films d'auteurs, entre guillemets. Du style La Poudrière, l'Ansad, enfin, ce genre de... voilà. D'accord, plus qu'un côté plus technique comme Les Gobelins, par exemple. Non, ça m'intéresse vraiment pas... pas du tout. Et ça, parce que j'en parlais avec Gilles et Gabriel, c'est quelque chose dont tu t'es rendu compte, que tu savais avant de rentrer au DMA, ou dont tu t'es rendu compte au fur et à mesure de la formation du DMA? Je m'en suis vraiment rendu compte au fur et à mesure, parce qu'en fait, en testant l'animation et ces choses comme ça, moi, j'ai pas envie d'avoir quelque chose de lisse ou de parfait au niveau technique. C'est pas ce qui m'intéresse et je sens profondément que c'est pas ce pourquoi je suis faite. Et Jean-Pierre, Gabriel et même Gilles parlent de l'importance d'Annecy. D'importance d'aller à Annecy, finalement, de découvrir plein de choses. Est-ce que toi, pour l'instant, tu as fait un Annecy, donc la N1 en première année. Est-ce que ça a été... C'est une très, très bonne claque. Ça permet de voir qu'il y a vraiment une production qui est très diversifiée. On voit vraiment énormément de choses. Et c'est à base de coups de cœur et tout. Et ça nous donne vraiment une vision différente. Et ça nous permet d'espérer, finalement, d'autres choses de l'animation que peut-être la petite vision qu'on a à l'origine. Toi, Théo aussi, parce que toi, tu as fait Annecy avant même d'être dans le DMA. Pareil. Bah pareil, et puis aussi rencontrer tous les gens, énormément de gens qui vont à Annecy, et puis finalement même, je me suis rendu compte même quand on arrive à Annecy sans connaître personne, enfin ou presque, ben on se retrouve à la fin après un ou deux jours à déjà nouer des contacts, et puis ça permet d'avoir des idées plus précises et puis discuter avec les gens de l'animation. Et pour l'avenir, alors que tu viens à peine de rentrer au DMA, dans le DMA, est-ce que tu as déjà des envies? Des envies, toujours, je vais parler encore du travail de l'animateur, mais bon, je me rends compte par exemple que pour mon projet pro, j'aimerais pas faire de l'animation typée en traditionnel au crayon bien propre, parce que justement, c'est ce que éventuellement j'aimerais faire plus tard. Donc chercher quelque chose de différent, peut-être plus expérimental, mais en tout cas au niveau de mon métier, oui, ça serait plutôt quelque chose dans l'animation, donner vie à des personnages. Mais déjà, une manière beaucoup plus basique, c'est-à-dire que déjà, tu t'imagines faire plutôt présenter les gobelins, est-ce que déjà dans ta tête c'est une évidence, présenter les gobelins ou... Moi les gobelins je pense que je les présenterai pendant un certain temps, en tout cas avant de commencer à travailler. Mais oui, parce que les gobelins je pense que ça peut apporter beaucoup au niveau technique. Et puis on peut en tirer vraiment ce qu'on veut. Et après avoir une vision plus générale comme le DMA. Et éventuellement, si j'arrive pas à rentrer au Gobelin, ce qui est très probable, je travaillerai. Faut pas dire des choses comme ça. Si. J'en viens à dire qu'il y en avait 4 sur 5 qui étaient rentrés l'année dernière. Il y en a, donc c'est plutôt ça va, c'est oui, une bonne. Il n'y a pas de règle. Une bonne moyenne. Ouais, heureusement, il n'y a pas de règle. Et non, dans ce cas-là, je travaillerai éventuellement justement pour. Parce que, comme disent beaucoup de professionnels, on apprend 10 fois plus dans la première semaine de travail, souvent, de travail dans une entreprise que pendant les années d'études. Oui, toujours. Alors, c'est pas une question piège, et c'est pas parce que je suis pro de cinématographie qu'il va falloir... Est-ce qu'entre le début du début du DMA, bon, toi Marine, ça fait 1 an et demi, toi ça fait 6 mois, Théo, vous regardez plus d'animation, est-ce que d'un seul coup ça vous a vraiment... Et encore une fois, il n'y a pas de piège dedans, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous êtes allé plus vers ça, regarder... Bon, malheureusement, il y en a peu, mais sur Arte, voir des DVD, des choses comme ça. Est-ce que ça vous a encore plus donné de voir l'animation? Et peut-être même, dans un plan général, peut-être plus de cinéma en général, et votre réflexion par rapport à l'image, Marine? Moi, totalement. Enfin, vraiment, beaucoup plus d'intérêt et trouver vraiment sa passion là-dedans. Donc, voir beaucoup plus de films d'animation, à se faire des soirées entre potes et tout, on fait pas mal. Et beaucoup plus de prise de vue réelle qu'avant. C'est vrai qu'on prend le temps de découvrir parce qu'on sait qu'on peut vraiment piocher et c'est intéressant d'avoir cette culture-là, quoi. Théo ? Oui, exactement, c'est ce que j'ai ressenti aussi, finalement, de pouvoir aussi regarder différemment les films qu'on regardait avant, les nouveaux films qu'on va regarder, et puis donc voir plus les côtés narration, technique, tout ce qu'on veut y prendre. Ouais. Bon, et alors, dernière question, comme à tous. Un coup de cœur, long métrage ou court métrage, ou un coup de cœur, long métrage et court métrage, c'est malheureusement, c'est les fins d'année. Mais au moins, ça sert à ça, les fins d'année. C'est au moins à se dire, ah ben tiens, c'est dommage, j'aurais dû voir ça. Qu'est-ce que vous c'est quoi que vous aimeriez conseiller aux gens de voir? On va commencer par Marine. Ce sera un court que j'ai découvert à Annecy. C'était Adjustment, magnifique anglais, de Ian McKinnon. Les cours d'anglais servent. De Ian McKinnon. Un court-métrage vraiment intéressant sur l'appréhension d'après la rupture amoureuse. Ça m'a vraiment bien plu. Un très beau film, en effet. Théo ? Eh ben, moi, c'est, moi, je dirais Princesse Arrête, que j'ai pu voir quand Sunao Katabushi, le réalisateur, est venu à Lille. Donc, on va en parler. Et puis, ça m'a vraiment beaucoup plu au niveau visuel et même au niveau de l'histoire. Un rythme assez lent et surtout visuellement, les décors qui sont vraiment superbes. Ouais. C'est vous rendre compte que l'animation, c'est quand même difficile parce que c'est deux choses que vous ne pouvez pas voir. Donc c'est quand même assez dommage parce que ça a été et pas édité à peine aussi. Il est édité au Japon, mais non sous-titré, il est à peine sorti. Donc voilà, et Adjustment n'est pas disponible non plus, pas visible. Donc c'est difficile l'animation. Moi, je vous dirais quand même, allez, j'ai un beau coup de cœur finalement pour un film qui est sorti au tout début de l'année qui s'appelait Amer Béton et que j'avais pas autant apprécié quand je l'avais vu, qui finalement est très intéressant quand il ressort en DVD. Ben j'espère que des gens vont le voir pour l'apprécier, voir aussi peut-être pour le réapprécier peut-être un peu plus à la baisse que ce qu'il n'était. C'était Persepolis. Maintenant qu'il est sorti en DVD, peut-être que des gens vont commencer à se rendre compte. Et c'est vraiment pas méchant pour ce film, mais qu'il est peut-être pas si exceptionnel que ça, même s'il y a des bonne chose dedans, même si c'est un bon film. Et bien sûr, donc Adjustment, en effet, est un très beau film, et The Rent, dont a parlé Gabriel, et puis Les Simpsons sort en février en DVD. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. On va finir avec une plage musicale. C'est un générique en forme de plage musicale, de chanson, pour finir présentation de musique, on va dire, un peu plus énervée. Il fallait finir par... une chanson qui s'appelait Je crois, pour essayer de croire aux bonnes choses et non pas, c'était ce que j'aurais pu mettre pour le Père Noël et pour croire en des choses, il faut croire. On va écouter, c'est Claude Nougaro qui nous chante ça, donc cette chanson qui s'appelle Je crois. Et on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle émission de Bulle de Rêve, où j'espère, je fais un petit truc à l'antenne, j'aimerais bien que vous veniez tout papy 3D avec Monsieur Coq, un très beau film que j'ai vu l'année dernière, qui a tout pour nous plaire, antimilitariste, anticapitalisme, enfin bon, c'est absolument un film parfait, donc venez nous voir, ça serait super sympa. Allez, bonne fin d'année, on se retrouve l'année prochaine, bye bye. Look.